Mon beau-frère a un frère. Charmant garçon au demeurant, il a qu'une passion, lui c'est l'aviation. C'est son violon dingue. Il ne pense qu'à ça. Alors on a été le voir à l'aérodrome de Chartres. Alors il est venu avec une jambe raide, la tête de travers. Alors salut, ça va? Ça va bien? Ça va, bonjour monsieur. Je m'excuse, vous pourriez pas faire trois pas en arrière? Si tu veux, pourquoi pas? Il n'y a pas de raison. Quoi faire? Ça c'est curieux, vous avez la jambe raide comme ça, puis le visage de... Vous avez un sourire nord-est. Pourquoi? Oh, c'est rien. Quelques petits accidents d'avion, quoi. Aïe. Vous avez des accidents d'avion si souvent que ça? Oh, pas beaucoup, de temps en temps, quoi. Vous les voyez, mes zingues? Je suis le responsable de tous les avions qu'il y a à l'aérodrome de Chartres, ici. Alors, vous venez avec moi, on va faire un petit tour? Ben, c'est-à-dire que... En vélo, oui. Mais en avion, je pense pas. Mais pourquoi ça? Ben comme ça. Mais si vous voulez, j'accepterai d'aller visiter de près un avion. Le plus près de nous, c'était un Stamp. Et c'est toujours assez curieux de voir ces avions, ces biplans. Là, c'était un biplan, d'ailleurs. Biplace, monomoteur. Et... on regarde ça, c'est flexible. On dit, tiens, c'est curieux, ça va à des 800, 1000 mètres, 1500 mètres. Oh là, non. Puis ça tient peut-être... Nous, néophytes, on a l'impression que ça tient à pas grand-chose. Mais si vous voulez, le frère à mon beau-frère, si vous voulez bien, je monterai bien dans la carlingue pour avoir l'impression des pionniers de l'aviation. Aucun rapport avec la caravelle. Ça, on est assis maintenant dans des avions avec des fauteuils, on est bien. D'un seul coup, on dit, mademoiselle l'hôtesse de l'air, s'il vous plaît, à quelle heure nous allons décoller? Mais nous sommes à 7000 mètres, monsieur. Oh, pardon. Là, c'est autre chose. Alors, je me suis assis dans la carlingue. Il m'a foutu des courroies à tous les côtés, des grosses lanières, et que je te sers. Quinté, je vais mettre le moteur en marche. Comme ça, t'auras l'impression de voler en l'air. Ah, saleté d'hélice, qu'est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? V'là pas qui monte dedans, mon pote. Nous voilà pas partis sur ce terrain d'aviation. De ma vie, j'ai eu peur comme ça, c'est pas possible. Moi qui ai peur en vélo, pensez là, en avion. Nous voilà pas partis dans les airs. Et moi, je regardais en bas. Je regardais mes godasses. Et puis, au bout d'une minute ou deux, j'ai dit, je vais regarder où on en est. Savoir, on est peut-être encore sur le terrain. Nous... Alors, je passais la tête comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà été en avion, mais je vous défie de trouver quelqu'un qui puisse me dire le contraire. Et ça, c'est vrai. Comme deux et deux font quatre, la première chose que l'on voit, sitôt qu'on regarde en bas d'un appareil, paf, sur un cimetière. Et moi, j'en ai vu deux. V'là pas qui s'énerve. Il remue quelque chose au-dessus de ta tête. C'était dans le cockpit, là, je me regarde avec ça. Il remue une manivelle, c'était tout noir, un petit coffret noir. Oh, saleté, saleté, saleté. Là. Ah, le cacarote, il tapait dessus. Ah, mais ça, je vais l'engueuler, hein. La saleté de saleté. Il y a quelque chose qui va pas. La saleté, je lui dis, va pas faire du café à cette heure-là, quand même. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est le guionomètre. Eh ben, nous voilà bon. Qu'est-ce qu'il a? Il est cassé. C'est pas bon, ça. Pour une fois, je monte en avion, le guionomètre qui est cassé. Lui-même. Ça arrive pas tous les jours, quand même, des guionomètres qui se cassent. Oh, si j'ai pas de chance, vraiment. Alors, le guionomètre qui se casse, je suis en avion, là. Je suis à 1200 mètres. Moi qui ai jamais touché une fois le tiercé, dis-donc. Même pas dans le désordre. Je suis en avion, dis-donc. Paf, le guionomètre qui se casse. C'est pas grave. Ah ben, tant mieux. Pourquoi? Le guionomètre, il sert à rien. Ah ben tant mieux. Je crois même que l'avion, il a fait 20 mètres de plus d'un coup. Tellement j'étais soulagé. Mais ça, je vais l'engueuler. Qui? Le mécano. Il a dit oui, mais le mécano, lui, il s'en fout. Il est sur Terre, nous, on est dans les airs, mon patron. Ça sert à rien, tant. On est tombé dans un brouillard. Les londoniens, ils ont jamais vu ça. Même les londoniens smart. C'était plus que du fog, plus que du smig ou du smog. C'était pas un brouillard à couper avec un couteau. À coup de hache, on n'aurait pas pu. Avec la chance que j'ai aujourd'hui, s'il y a une seule montagne, elle est pour ma pomme. Il y a autant intérêt que je fasse mon acte de contrition tout de suite. Parce que le temps, quand on part terre, j'aurais peut-être pas le temps. Mon Dieu. Oh non, du père, acte de contrition. Mon Dieu, j'en regrette. Mais aller trouver les paroles dans des cas comme ça. On les trouve pas. Mon Dieu, je regrette. Mon Dieu. Allez, on peut pas les trouver, les paroles. Quand on est à l'église, qu'on s'en fout, on est là. Mon Dieu, je regrette d'avoir péché, d'avoir dit. C'est moins une si on met pas un peu de musique dessus. Ainsi soit-il. Alors, quand on sort de l'église, on pense au repas qu'on va manger, un petit canard à l'orange, etc. Mais quand on est devant la mort, on n'y trouve pas les paroles. Mon Dieu, je regrette. Je regrette d'être monté dans cet avion. Je le referai plus. Ça, vous pouvez être tranquille, je le referai plus. Si jamais je retombe en bête. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, c'est pas le moment d'attirer l'attention. Surtout que Dieu, il voit tout. Nous, on est dans le brouillard, mais il va nous repérer. Surtout qu'on était plus près du ciel que les autres. Remarque, pour une fois, j'avais la chance d'aller au ciel plutôt qu'en enfer. On est sauvés. C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez dit, le frère, à mon beau-frère? On est sauvés. Nous, on est des trucs, les vieux pilotes comme moi. Quand il y a du brouillard, on descend tout doucement. Et sitôt qu'on voit la Terre, même s'il y a un plafond de 20 mètres, on cherche des rails de chemin de fer. Et on les suit. Bravo. Quelle intelligence. Quand il y a du brouillard, on suit des rails. Ah! Non, surtout pas. Pourquoi? Si jamais il y a un tunnel.